Maintenant, nous sommes avec Pierre-Auroche Tremblay. Tu es avec nous aujourd'hui pour parler principalement de ton livre « To Shall Forget, Indigenous Sovereignty Resistance and the Production of Cultural Oblivion in Canada ». Mais on va parler aussi des autres dimensions de ton travail. Tu peux nous parler de toi, en fait, de ton travail. Comment tu résumerais ton cheminement intellectuel de chercheur? Oui, comme chercheur, ben, coué, coué, bonjour tout le monde. Ça fait plaisir d'être à ton émission, Christian. Et puis, merci pour ta question. C'est une bonne réflexion sur qu'est-ce qui nous amène à creuser comme chercheur. À un moment donné, on fait face à nos propres équations intérieures. Et puis, c'est un peu le cheminement du chercheur, notre propre expérience de vie qui en vient éclairer un petit peu ce à quoi on s'intéresse. Mais qu'on porte un regard, je dirais, sur sa propre communauté, sa propre condition. Alors, ça nous amène sur des chemins, des fois, qu'on n'attendait pas ou inédits, si je peux dire, et puis c'est un peu le processus. Mais aujourd'hui, je suis professeur à l'Université d'Ottawa, à l'Institut de recherche et d'études autochtones. Et You Shall Forget est le résultat là, d'une dizaine d'années de travail. Et en fait, ça avait commencé avec mon travail doctoral qui avait commencé un petit peu avant 2005, 2006. Mais après ça, j'ai commencé 2007 plus officiellement à l'Université d'Essex jusqu'à 2012 quand j'ai publié. Puis après ça, avant de digérer toute l'expérience, ce qui était vécu dans le processus d'investigation de l'oubli culturel au fond de l'effacement, entre autres, d'un événement majeur. Alors, toute cette réflexion sur la relation que la communauté a avec elle-même, ça a pris du temps à digérer et tout le livre a pris un petit peu plus de temps à naître et puis à transformer la thèse en livre, au fond. Moi, je suis des Sipites, Sipionou, Innu de la rivière au coquillage, qui est près de Tadoussac, situé un peu enclavé par les Eskoumins, mais le territoire du Grand Nitassinan, le territoire traditionnel Innu, là, c'est de là que je viens, mais maintenant, je suis à Ottawa. En exil épistémique, si on peut dire, pour mieux réfléchir, les dimensions du colonialisme. Et pour résumer, la recherche a été vraiment une forme de résistance et puis un processus de décolonisation personnelle. Comme je dis, des fois, j'ai été trempé dans la colonialité, imbibé de colonialité. C'est un peu la condition d'être autochtone aujourd'hui. Et comme ça l'était il y a 40 ans aussi. Et puis c'est ce processus-là d'approfondissement, de reconnexion, de guérison, et puis de reconnexion, au fond, avec la Terre, avec ses lois, avec toute la philosophie ancestrale aussi. Ça peut prendre beaucoup de temps. Certains y arrivent, certains n'y arrivent pas. L'important, c'est de continuer à résister et puis à poursuivre cette vision. Tu nous parlais des Sipites, d'où tu viens. Oui. Est-ce que tu pourrais nous raconter l'histoire des Sipites à travers la colonisation? Particulièrement, entre autres, l'histoire du Canada. Tu es le ventre de la bête, comme tu disais, tu es à Ottawa. À partir de l'article 91-24, en quoi est-ce que les articles de loi, l'histoire du colonialisme canadien a affecté les Sipites en particulier? Ouais, ben, je me tiens loin un peu de l'histoire dans le sens que je me définis pas comme historien. J'utilise les données disponibles pour essayer de comprendre, situer, comprendre les circonstances qui nous ont amenés jusqu'à aujourd'hui, notre condition actuelle, tu sais, qui est le produit de tellement d'années. Et puis, ce que tu mentionnes, la Constitution 1867, c'était une accélération. C'est des mécanismes qui ont été mis en place vraiment pour éradiquer, déterritorialiser, faire en sorte que les gens vont être arrachés à la terre d'un côté et ensuite vont être vidés de leur substance, vidés de leur savoir, de leur conscience historique, si on peut dire, hein, pour finalement éradiquer ou produire ce génocide, cet effacement majeur. Alors, le cas des Sipites est un cas parmi tant d'autres au Canada. Pour moi, il est devenu extrêmement intéressant. Oui, d'un côté, c'est ma communauté, alors j'ai fait un devoir là, de creuser, aller le plus profondément possible, mais à travers ça se révèle une autre histoire, un autre récit de l'île de la Grande Tortue, un autre récit de l'Amérique qui m'est apparu très important de comprendre. D'abord, avant de cette terre, là, hein, cette terre-là qui est très riche, qui est très belle, le Grand Nitassinan, l'embouchure de la rivière Saguenay, le grand fleuve, est un lieu de rencontre depuis très longtemps. Alors, même avant Champlain, avant Cartier, les premiers peuples se sont toujours rencontrés, ils ont eu des relations diplomatiques, on voyageait partout. Alors, c'est cette grandeur-là là, de l'Amérique qui était en partie effacée par la colonisation. Et puis, pour moi, c'est important de rétablir un peu la valeur de nos récits, hein, d'apporter notre perspective sur notre réalité. Alors, s'il faut rétablir, je pense, il faut qu'on fait le ménage un peu, rétablir cette conscience historique précoloniale qui nous dit que l'Amérique a été autre. Ce continent-là a été et est toujours habité par une très grande mémoire, des très grands récits, une philosophie profonde, une conception de la Terre, de l'être humain, de la souveraineté ancestrale, aussi de la responsabilité face à la Terre. Et puis, bon, dans ces démarches-là, j'ai remarché un peu les sentiers des premiers contacts, l'interprétation qu'en fait la société coloniale, le Champlain, Anadabijou, les premières rencontres. Mais quand on essaie de le voir à travers un autre regard, tu sais, je m'aperçois que c'est comme si le contact n'avait jamais vraiment eu lieu. Et puis, quand Anadabijou disait à Champlain, tu sais, si vous aimez cette terre-là, elle va vous nourrir, je m'aperçois qu'il y avait des enseignements tout au cours des siècles. Les premiers peuples ont tenté de faire comprendre aux colons ou aux nouveaux arrivants, dans ce cas-là, qui permettent de vivre, puis que les générations à venir puissent vivre aussi. Moi, c'est important, là, toute cette idéation un petit peu qu'on entend à travers l'historiographie, puis les discours, ce genre de romantisme par rapport au premier contact. Je pense que nous, on va porter un autre regard sur ça. C'est réeffacer. Quand, de mon point de vue, c'est que les premiers contacts, les hommes qui arrivaient étaient obsédés par les femmes autochtones et puis faisaient tout pour se les accaparer. Puis c'est devenu un objet de trafic. Alors, c'est un peu cette histoire-là des femmes qui permet de révéler toute l'architecture du colonialisme puis de la domination en Amérique du Nord. Ça, c'est un élément. Ensuite, le transfert de ces territoires-là à la couronne britannique, les premiers peuples n'avaient jamais cédé ces terres-là. C'est inconcevable, comme nous, de céder un territoire, tu sais, céder ta responsabilité, ton obligation, ce qui est la source de ta vie, la source de ta survivance, hein. Et puis c'est aussi ton lieu de sépulture. Alors c'est tout pour nous, la terre, évidemment. C'est, là, ça fait peut-être un peu cliché de le redire, mais c'est fondamental. Et alors, là, on entre dans une confusion avec ce transfert-là des terres aux Britanniques après la conquête française. Mais pour nous, il n'y a jamais eu de cession. Et puis, il y a toujours une résistance continue. Et puis, l'observation aussi des nouveaux arrivants depuis tellement longtemps, depuis 400 ans, fait en sorte que les premiers peuples, en général, mais les Inuits en particulier, connaissent très, très bien la société qui est assise sur eux et puis qui nous a enfermés, finalement, dans ses propres paradigmes puis conceptions. Alors, 1867, ben, c'était le mouvement, le rouleau compresseur de réduction, là, où est-ce que on identifiait les sauvages ou les Indiens, comme les gens disaient à l'époque, et on leur donne un numéro, puis on fait en sorte qu'ils vont se retrouver sur une réserve, et puis que, éventuellement, cette réserve-là va être dissoute, et puis il n'y aura plus de monde. Alors, c'était l'accélération. Ensuite, l'imposition d'un même mode de gouvernance. Alors, il y a eu l'agent des Indiens, il y avait le curé, tout ça, et les compagnies qui se sont mis ensemble pour faire en sorte qu'il y allait avoir l'assimilation complète, et la structure du conseil de bande est devenue l'outil par lesquels on allait finalement mener les Indiens vers leur propre anéantissement. Bon, ensuite, on connaît de mieux en mieux la suite des événements. D'autres stratagèmes, d'autres outils de génocide se sont instaurés, entre autres, là, avec les écoles résidentielles et puis toutes sortes de politiques d'éradication. Bon, mais à travers tout ça, il y a une résistance continue et une vision du monde qui n'a jamais été anéantie, une résistance qui a continué jusqu'à aujourd'hui. Et puis, ces récits-là de résistance qui me semblent fondamentaux, au-delà de toute la tragédie et de toute l'oppression, et de comprendre que la condition dans laquelle on est aujourd'hui est une production et que ça a été voulu pour ne pas intérioriser notre condition, puis nos blessures, et puis de comprendre d'où est-ce que ça vient pour mieux retrouver une forme de réversibilité, retrouver la vision qui a toujours été là et qui va toujours l'être de mon point de vue. Ça, j'aime autant la chanson de Natacha Canapé-Fontaine qu'on entendait au début. Je trouve que c'est une très belle chanson parce que d'un côté, ça nous fait sentir notre tragédie, le vide et le malaise, mais aussi la force, la puissance, la continuité là, de nos voix. La grandeur. La grandeur, oui. Tu parlais de souveraineté ancestrale, mais tu as plus effleuré. Est-ce que tu pourrais entrer plus en profondeur puis nous définir qu'est-ce que c'est selon toi? Bon, on parle en français, donc on parle dans un langage colonial évidemment imposé. Alors, c'est toujours approximatif. Puis je veux pas me faire un représentant là, de la philosophie nous, de la politique nous, mais avec le temps, on en vient à voir un peu quel sens les gens de la Terre donnent à cette relation-là, puis cette obligation-là. Alors, ben d'abord, la relation des premiers peuples, disons, on parle du monde Innu, des Essipionautes, des vieux avec la Terre, je dirais que c'est assez difficile à comprendre pour les gens qui vivent en milieu urbain. Je dis pas que c'est impossible à comprendre, mais de dire que je vais dans un lieu où ça fait 10 générations qu'on va au même endroit, ça devient une relation très profonde. On est nourri par cette Terre. C'est le lieu où est-ce qu'on est, c'est le lieu où est-ce qu'on meurt. C'est comme une relation de passion profonde, un amour tellement profond qui fait qu'une fois qu'on en est arraché ou qu'on perd cette relation-là, il y a une forme d'anéantissement. Évidemment, souveraineté ancestrale, pour moi, c'est comme souveraineté comme forme de responsabilité, de protéger ce qui nous a été transmis pour les générations qui viennent. Puis cette obligation-là est très grande. Mais pour ça, il faut avoir été connecté avec cette terre-là, il faut la connaître, et puis pour pouvoir l'aimer et puis la défendre. Alors, c'est pour ça que le concept de souveraineté ancestrale est difficilement traduisible dans le cadre épistémologique ou la vision du monde étatique dans lequel on vit. T'sais. où est-ce que la vision du monde qui est derrière ce concept de souveraineté Innu Tipentemut, dans le cas des Innus, cette obligation de protection, de gardiennage, de faire les choses pour les générations qui viennent, un aspect intergénérationnel, et aussi pour pouvoir continuer à se nourrir puis à vivre, bien, ça peut paraître un peu hors contexte dans le monde où est-ce qu'on vit. T'sais. Mais ça reste prépondérant, ça reste très, très important. Alors, je dirais que pour bien comprendre le concept, il faut avoir vécu en territoire, il faut avoir passé du temps en forêt. C'est une vision du monde aussi, une conscience qu'on fait partie de cette terre-là, de ce territoire-là. Ça peut avoir rapport avec la planète aussi, l'obligation des êtres humains envers la planète. Et puis envers l'eau, entre autres, envers les forêts, envers toutes les espèces. Pour moi, c'est comme ça que je le conçois maintenant, dans un sens global. Autant que ça peut être vrai d'une personne, tu sais, dans son contexte, sur son territoire, les gardiens de territoire, les familles, tu sais, où est-ce qu'on... Un territoire, on dit transmis pour le protège, mais ça peut aussi être vu comme la responsabilité de l'humain face à la planète, tu sais, et puis à toute la vie, là, tu sais. Ouais, ce sens-là, elle nourrit énormément la résistance autochtone aujourd'hui. Elle peut aussi influencer d'autres gens. C'est quand même quelque chose qui est revenu aussi dans certains de tes textes, la vision environnementale et révolutionnaire qui est derrière tout ça. Ben oui. Juste de se dire autochtone aujourd'hui, puis de porter cette vision-là, ben c'est sûr qu'on se retrouve en résistance face à tout ce qui vise à l'anéantir depuis si longtemps. T'sais. Et puis, c'est une lutte, pas juste une source de financement ou des avantages. Je veux dire, autochtones, avec les mouvements d'auto-autonomisation qu'on voit, t'sais. Quand ça vient d'une conscience profonde, de porter cette lutte-là, c'est pas évident. Puis ceux sur le terrain qui décident de résister, puis de protéger le territoire, puis de protéger les êtres humains aussi, c'est ça, là. C'est prendre soin de soi-même, prendre soin de sa famille, prendre soin de la dignité humaine. C'est pas toujours compatible avec le monde dans lequel on vit et la vision de la civilisation. Surtout cette idée de domination de la nature, là, qui est très profond, là, dans le monde où est-ce qu'on vit. Quand on critique ça, dans le fond, là, et l'idée que tout ce qu'on sacrifie ou qu'on extrait ou qu'on prélève du monde vivant, ben, on a une responsabilité de le distribuer ou de le partager aussi face à ceux qui ont les plus grands besoins. Alors, c'est toute une philosophie, une vision du monde qui, comme disait John McDonald, c'est pas vraiment conciliable avec la civilisation puis le progrès. Puis, 150 ans plus tard, on peut dire que non, ce n'est pas vraiment. Mais l'histoire nous donne raison, par exemple. L'histoire nous dit que... On ne peut plus continuer à se comporter, à être au monde de cette façon-là, de cette façon dominante et, il faut dire, masculiniste, souvent misogyne. Ce mélange-là, cette domination masculine aussi, ce déséquilibre-là, il me semble très important à mentionner aussi, là, la condition des femmes en général, là, des propres peuples en particulier, parce que c'est une double oppression. Là. C'est lié, cette domination de la terre et domination des femmes. C'est devenu profond dans nos sociétés aussi. Pour moi, c'est un front important, une lutte cruciale qui vient ensemble. C'est défense de la terre, de la vie et défense aussi des femmes. Faire en sorte que aussi, parce que ça fait partie de la solution. Et la révolution passe par ces nouveaux espaces où les femmes peuvent se rencontrer, peuvent exprimer leur récit aussi, pour pouvoir qu'on puisse tous se guérir. Ces voix qui ont été effacées, qu'ils sont toujours. Et puis, le Boys Club, là. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le Boys Club, selon toi? Comme question en aparté, mais bon, c'est quand même une question cruciale parce que la violence faite aux femmes est généralement commise par les hommes. Donc, le problème des femmes est notre problème à nous. Oui. Dans le sens où c'est nous qui, généralement, les causons en tant qu'hommes. Alors, qu'est-ce que tu vois, toi, qu'on peut faire pour faire face à ça? Ben déjà, d'être réflexif, d'apprendre à se taire, d'écouter, de laisser l'espace, faire un pas en arrière, laisser les gens s'exprimer, arrêter d'interrompre, de mettre sous silence. T'sais. Comme homme, on a tous un héritage, un lourd héritage de colonialité, un lourd héritage de misogynie, de le reconnaître et puis de dire, bon, comment à partir de là, on peut changer, on peut se décoloniser, on peut s'améliorer. C'est comme le racisme intériorisé, il y a différentes strates. Et puis de se regarder dans le miroir, finalement, très important, mais aussi d'être solidaire, puis d'écouter les récits des femmes. Puis pour moi, c'est là que le travail de recherche est important pour ouvrir des espaces où on peut entendre ces voix-là qui sont interrompues et gardées sous silence. Et des espaces de vraie liberté, et puis où est-ce qu'il y a une sécurité, où est-ce qu'il n'y a pas de violence épistémique, où est-ce que les gens peuvent aller au bout de leur pensée. Parce que ces récits-là, bon, ça interpelle. Ça interpelle tous les hommes en particulier, à différents niveaux, mais d'être dans le cercle et puis d'être prêt à écouter, puis de porter l'oreille. Puis c'est l'époque, hein. On est avec le MeToo, avec ce qui se passe présentement, la dénonciation de la pédophilie dans les milieux littéraires et tout ça. Il y a tout un grand ménage qui est en train d'être fait. Puis je pense que ça va faire un immense bien, là, de libérer ces paroles. ces paroles d'oppression, de domination, d'abus de pouvoir, au fond. Parce que c'était le colonialisme, c'est un grand abus de pouvoir. Un grand abus de pouvoir. Pour moi, c'est la meilleure métaphore. Ça, je fais le lien entre le colonialisme au Canada, les politiques de l'État canadien, de la couronne, et de la couronne québécoise aussi, face au premier peuple, versus la relation d'abus. Et puis, c'est vraiment une relation d'abus, mais sur 150 ans et plus. Et puis, je pense que c'est comme ça qu'on doit le regarder pour mieux comprendre. Tout le temps imposer comme ça, imposer les désirs, imposer les besoins d'une société dominante sur une minorité, sur des peuples vulnérables, et avec le temps, essayer de légitimer cette domination-là, et d'en venir à nous faire croire qu'on a consenti à la condition dans laquelle on est, et en plus qu'on le mérite. Et puis, je pense que là, c'est pour ça que je fais le lien entre ces phénomènes-là, qui nous touchent comme société, mais comme civilisation aussi. On parlait aussi de défense de la Terre. Par rapport à la défense de la Terre, on va écouter la prochaine chanson que tu as choisie, qui s'appelle Pachikoutar. Est-ce que tu peux nous parler de ton auteur, Mike Paul Kwakwetiyo? Ouais, Mike Paul, c'est quelqu'un que je trouve très courageux, que je respecte beaucoup, qui, autant c'est un chasseur, c'est un artiste, un intellectuel, un penseur, qui articule la pensée, qui est toujours prêt à aller au front pour défendre nos peuples et puis faire la promotion d'une autre vision de la société. Je trouve très courageux, puis j'aime beaucoup sa musique aussi, alors je pensais que vous aimeriez l'entendre. Et comme il le disait lui-même, pour me le traduire en français, la chanson, fondamentalement, parle de « Levons-nous, défendons la vie sur Terre comme nos anciens ». Alors, vous écoutez Pachikoutar, Mike Paul Kwakwetiyo. Alors, vous écoutez Pachikoutar de Mike Paul Kwakwetiyo, auteur, compositeur, interprète, et nous, de Master Yacht. Alors, nous allons continuer avec notre invité d'aujourd'hui, Pierre-Auras Tremblay, qui a publié, comme je vous le rappelle, « To Shall Forget Indigenous Sovereignty Resistance and the Production of Cultural Oblivion » In Canada, qui commence à être plus distribué. Comment ça en va avec la distribution? Ah, ça va. C'est les presses de l'Université de Chicago, ils vont à leur rythme et puis ils vont avoir une large diffusion. Là. OK, donc les gens pourront y avoir accès rapidement et aller demander à leur bibliothécaire aussi préféré de les commander. Oui. Alors, donc, on va entrer plus spécifiquement sur le livre maintenant. Tu écris que c'était un livre d'une décennie. Ça t'a pris une décennie pour faire les recherches et l'écrire? Oui, faire les recherches et puis vivre aussi. Quand tu écris ou tu réfléchis sur ta propre communauté, c'est pas les mêmes processus que d'arriver, je sais pas moi, de Montréal ou de Paris, peu importe, puis d'arriver dans une communauté, puis après ça, tu repars, et puis c'est très différent. Puis les enjeux sont différents, la façon de faire aussi, puis quand ça te touche toi comme personne, ta famille, parce que nous, c'est une petite communauté, là, on est miniature, pas miniature, mais je dirais une très petite communauté qui, avec le temps, est devenue comme une seule famille. Alors, avec tous les enjeux qui viennent avec. Alors, c'est très particulier, là, comme contexte. Et puis, pour moi, c'est important de publier aussi pour les futurs chercheurs, surtout les jeunes chercheurs autochtones, mais pas seulement, pour partager l'expérience, ça peut les inspirer, puis donner des outils, des clés pour mieux faire la prochaine fois, parce que c'est toujours des limites à ce qu'on fait. Puis on apprend plus souvent de nos erreurs que de nos bons coups. Mais pour moi, le livre, sa grande valeur est dans les récits que j'ai faits avec les aînés, puis tous ceux qui ont participé à la guerre du saumon, là. Les gens ont été très généreux, puis je veux leur rendre hommage. C'est une façon d'honorer leur mémoire, ce qu'ils m'ont transmis, puis aussi leur héroïsme dans cette guerre de résistance, cette guerre du saumon, où est-ce qu'il y était un petit groupe face à la société, finalement, face à des groupes hostiles, face au gouvernement. Et puis les gens se sont tenus, se sont serrés les coudes, et puis ont réussi d'une certaine façon à bloquer, à résister, mais aussi ont été blessés, parce que ça fait partie de la condition des premiers peuples au Canada, que nos résistances sont violemment répressées d'une manière ou d'une autre, et que la seule façon de gagner, c'est de s'anéantir, c'est de renoncer. Alors, c'est tout un mécanisme, ce régime colonial, pour miner toute forme de résistance autochtone depuis 150 ans. Faut le dire, en partant. Mais je me suis intéressé à la mémoire qu'on avait de cette résistance-là. Et je me questionnais sur pourquoi on n'en avait pas entendu plus parler, les gens de ma génération, là, à l'époque, quand j'avais 30 ans, et pourquoi on n'était pas trop au courant là, de cet événement qui avait été le plus marquant pour la vie de ceux de la génération précédente. Alors, je trouvais ça énigmatique. Énigmatique comme phénomène. Alors, j'ai décidé d'aller voir chez la génération précédente qu'est-ce que ça avait représenté pour eux, qu'est-ce qu'ils avaient vécu, qu'est-ce que ça représentait pour eux et qu'est-ce que le fait de se replonger dans cette mémoire de la guerre du saumon, comment ça éclairait le présent de notre communauté. Alors, je m'en souvenais de m'intéresser plus à la relation que la communauté avait avec le passé que le passé lui-même. Alors, c'est devenu un travail de plus de mnémo-histoire, je peux dire, mais basé sur l'histoire orale, sur les récits, les mémoires autobiographiques de 20 personnes qui ont participé, d'une dizaine d'autres personnes qui ont pas été interviewées, enregistrées, mais qui ont participé, et les gens de ma génération, mes cousins, ma famille, les gens que je connais chez nous, et moi-même, ma propre expérience. Alors, c'est tout ça là qui est rassemblé dans le livre. Tu écris de long en large sur la culture de l'oubli et sur la fabrication de la mémoire et de la fabrication aussi de l'oubli. Oui. Comment ça a façonné et si peut-être, qu'est-ce qui en est devenu aujourd'hui? Qu'est-ce qui en est devenu aujourd'hui? Ben, à la fois historiquement puis au niveau du présent. Historiquement, ben, si on commence à porter un regard sur nos trous de mémoire, sur l'oubli, je me suis intéressé aux discontinuités, comment on en est arrivé, par exemple, je prends le cas de la guerre du saumon, mais je remonte à beaucoup plus loin, comment on en est arrivé à ces ruptures de transmission culturelle, puis avec le temps, ce que j'appelle un genre d'anémie identitaire, de moins connaître, de moins être en contact avec le passé. C'est des phénomènes qui sont vécus par tout le monde, mais nous, je réussis là, pour des raisons historiques, de contexte. Ça fait 400 ans qu'on a des contacts, hein. Si on était un peu au front de ces contacts-là. Et puis, on a vécu peut-être des stades plus avancés de colonialisme et de colonialisme dans ses formes psychologiques, peut-être à cause de la proximité avec le Québec, puis la culture québécoise et tout ça. Une autre forme d'hégémonie culturelle avec la mémoire sélective québécoise qui, à un moment donné, en est venue à remplacer notre propre conscience et nous, rapport avec nos savoirs et nous, tout ça. Puis tout ça, là, que je me suis intéressé à ce rapport-là. Hein. Mais le but n'était pas d'étudier le Québec ou de critiquer le Québec, mais j'ai dû le faire pour essayer de trouver un espace, une distance par rapport au Québec, parce que le Québec prédominait beaucoup là, dans l'esprit puis dans la communauté, ce qu'on appelle la culture québécoise, la mythologie là, coloniale, si je peux dire. Alors, le défi, c'est tout le temps de saisir le présent aussi. Là, on parle de quand? On parle-tu d'il y a 10 ans? On parle-tu d'il y a 20 ans? On parle-tu d'aujourd'hui? Là, si on parle du moment présent, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on en est où est-ce qu'on en est? Ben, c'est beaucoup, beaucoup de déterminants, ça. Des déterminants extérieurs. Hein? On en a parlé, là, toutes les politiques génocidaires de la couronne canadienne, et puis les pensionnats, la mise en réserve, tout ça ensemble, d'un côté. De l'autre côté, l'imposition, là, dans le cas des CIPIT, la prédominance du Québec, et puis de ses politique, son hégémonie culturelle, toutes les formes de racisme qui ont pu être vécues par les Innus. Ensuite, on parle des pensionnats, tu sais, la brisure, que la cassure que ça a amené au niveau culturel. J'invente rien en disant ça, là, la transmission, mais nous, il faut vivre avec ces conséquences-là, essayer de comprendre qu'est-ce que ça représente pour les générations qui suivent. Tu sais. Et ensuite, bon, toute la logique économique dans laquelle on vit, mais ça fait en sorte que la conscience Innu, la langue Innu, dans le cas des Sipit, tout ça ensemble, ben, était marginalisé de plus en plus jusqu'à devenir comme éloigné, d'avoir une certaine distance par rapport à ce qu'on pourrait définir comme étant Innu, cette conception-là du monde. Alors, c'est cette dimension-là intérieure qui m'intéresse plus, parce que je pense que c'est là qu'on peut agir, puis c'est ça qu'il faut. On a une responsabilité comme chercheurs autochtones, c'est de regarder dans nos propres communautés. Et encore une fois, la question des femmes est centrale, parce que les femmes ont été utilisées pour favoriser l'assimilation, est-ce que les femmes autochtones souvent devaient partir de la communauté et les femmes non autochtones arrivaient dans la communauté et puis tout ça a engendré beaucoup de ruptures de transmission, transmission culturelle et je dirais des aspects de misogynie, c'est-à-dire de la prédominance des hommes, que ce soit au niveau des structures de décision, décisionnelles au niveau politique, fait en sorte qu'on va plus entendre un récit et puis on va moins entendre une autre, ça crée un déséquilibre et ça finit qu'on entend juste la parole des hommes, et des hommes de pouvoir en particulier. Alors ça, c'est des phénomènes qui sont vécus là, ben chez nous, entre autres, là, mais ailleurs aussi. Alors, je trouvais ça pertinent d'en parler. Tu nous parles dans ce livre-là aussi beaucoup de la tyrannie intérieure dans les Sipit, et aussi du lien à cette coupure avec l'histoire. Est-ce que tu peux nous en parler davantage? Bon, d'abord, c'est ta géographie variable, hein? Tu sais, c'est pas tout le monde qui... Les Sipit, c'est pas une masse, là. Tu sais, c'est des personnes. Il y a plusieurs générations, il y a plusieurs genres, il y a différentes personnes. Il y a des gens qui vivent dans la communauté, il y a des gens qui vivent à l'extérieur. Maintenant, c'est près de 75% des membres qui sont non-résidents. Alors, tu sais, je reste assez complexe comme phénomène. Je veux pas réduire, hein, puis je veux pas représenter non plus, là. Je veux faire attention pour pas tomber dans des fausses représentations. Mais dans le livre, j'ai porté une attention particulière aux représentations des Sipit, justement, dans les médias. médias, dans la recherche, et puis essayer de comprendre cette image qui a été construite d'un côté versus qu'est-ce qui était vécu à l'intérieur. Puis c'est pour ça que c'est les récits des aînés qui m'ont vraiment aidé le plus, parce qu'eux étaient très courageux, puis ils disaient les choses comme ils étaient. Et puis ils mentionnaient des phénomènes qu'on vivait à l'intérieur que moi je voyais pas nécessairement parce que j'étais trop jeune, peut-être pas assez expérimenté. Comme plusieurs de ma génération, j'avais pas entendu assez d'histoires de la communauté. Et puis avec le temps, ces choses se sont révélées. Et des formes de contrôle, des formes de colonialisme psychologique et de tyrannie intérieure, si on peut dire. Mais c'était pas l'objet au départ, non, encore une fois. Mais un des déterminants de l'oubli était justement les rapports de pouvoir à l'intérieur de la communauté. Puis ça, c'était pour moi une découverte tragique d'un côté, mais en même temps qui me semble très importante pour pouvoir aller vers d'autres choses. Si on veut avoir une continuité culturelle, ben il faut faire face à ces barrages intérieurs, à ce qui nous empêche de nous rappeler. Tu nous parles aussi dans ce livre-là de la place envahissante des Euro-Québécois dans les structures même de pouvoir du Conseil de la bande des Sipites, mais aussi dans l'histoire, toute la violence qui a été aussi commise par les Euro-Québécois sur les Innus par rapport à la guerre du saumon, et toute une histoire qui vient avec ça et qui ne remonte pas à hier ni à la guerre du saumon. Ben oui. Mais tu peux nous parler de cette présence? Ben, c'est très pénible d'en parler, hein, parce que c'est des membres de notre famille, c'est très proche. La relation Sipite, c'est devenu, là, avec le Québec, avec le village des Escoumins, avec les alentours, parce qu'avec le temps, il y a eu beaucoup de mariages. Dans toutes les familles, soit c'est un parent, soit c'est un cousin, soit c'est un conjoint. Alors, c'est des relations de très grande proximité. On parle de structure, puis de peuple en général. On nommera pas de nom aujourd'hui. Oui. Non. J'essaie de pas nommer de nom dans le livre, mais il y a certains dirigeants qui on peut pas s'empêcher d'identifier. C'est pas le but, là. On s'intéresse au phénomène, et puis ces gens-là sont pratiquement pas reconnaissables, à moins. Mais dans la communauté, des choses qui sont connues, là, communément connues. Mais cette relation-là avec le Québec, d'extrême grande proximité, a fait en sorte qu'à l'intérieur, à un moment donné, là, le rapport avec l'histoire, le rapport avec la vision du monde, la philosophie québécoise, en est venu à prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. Évidemment, dans nos familles, dans nos institutions aussi. Là. Puis jusqu'en arriver à une idée aujourd'hui qui est défendue par certains qu'il n'y en a plus de différence. Et puis pour moi, c'est très dangereux. Puis ça, c'est aussi derrière les discours sur la réconciliation. On se réconcilie, on efface les différences et tout ça. Mais ça, ça se fait toujours au détriment des conceptions innues et de la philosophie innue et de la vision innue du monde. Parce que le système est structuré pour faire en sorte que si vous voulez continuer d'exister, ben, il faut abandonner ce qui est le plus sacré pour vous, et puis il faut s'anéantir pour pouvoir continuer d'exister. Il n'y a pas d'autre voie possible. Alors c'est pour ça que c'est extrêmement problématique. Mais d'avoir une critique de la culture québécoise et de sa représentation des Innus et de leur souveraineté, ça me semblait inévitable. Et dans les récits que les gens ont fait de la guerre du saumon, malheureusement, il y a des récits de racisme qui sont liés avec le nationalisme et tout. Je sais que c'est pas populaire de parler de ça au Québec, mais je le fais pas avec plaisir, mais c'était nécessaire de le faire, de le dire. Regardez, oui, il existe un racisme profond et qui remonte à loin. Et puis, comme il y en a un au Canada, comme il y en a un dans les institutions canadiennes qui ont été érigées par Johnny McDonald. Alors, oui, il y en a au Canada, mais il y en a aussi au Québec, et c'est nécessaire de les regarder en face, au-delà des discours romantiques ou je dirais de la fragilité au Québec là, par rapport aux critiques. Le fait que les gens se perçoivent comme étant des colonisés puis des oppressés, et qu'ils en viennent à faire l'apologie un peu en disant que le colonialisme québécois est moins pire que le colonialisme que soit britannique ou espagnol ou peu importe. Ce qui, de mon point de vue, est faux, parce que le colonialisme est le colonialisme. Juste une question qui est sur le site des presses de Chicago et qu'on a quand même déjà abordé pas mal, mais qu'il y aurait sûrement d'autres choses à ajouter là-dessus, que j'aime personnellement beaucoup, qui est « What is cultural oblivion and psychological colonialism and how are they affecting the capacity of indigenous peoples in Canada to actively resist systematic and territorial oppression by the state? » Ben oui, oui. Ouais. C'est qu'à un moment donné, avec le temps, la production de l'oubli culturel au Canada a une fonction. Comme les écoles résidentielles en ont une, ça fait partie d'un projet plus général d'effacement et de remplacement d'une civilisation par une autre. Avec le temps, lorsqu'on a perdu, par exemple, la mémoire de notre lien avec la Terre, on peut en arriver à voir cette Terre-là comme étant monnayable. On va plus facilement abandonner ce qui est sacré pour nous si on a perdu le récit ou si on se rappelle pas de la valeur de cette Terre-là et de notre obligation envers cette Terre-là. Ce qui fait en sorte qu'on va se faire offrir des pinottes, comme dans le cas des traités modernes. On va nous donner l'illusion qu'on nous donne quelque chose, quand au fond, on arrache ce qui nous reste de souveraineté ancestrale dans toute son inhérence, dans tout ce lien-là, qui n'est pas commodifiable, qui n'est pas monnayable avec la Terre. Et c'est dans ce sens-là que la mémoire, la relation avec le passé, cette mémoire culturelle-là et son affaiblissement a un lien directement avec le consentement. Comment peut-on consentir réellement à renoncer à ce à quoi on n'a pas conscience que ça nous appartient ou qu'on n'a pas conscience ça affecte le consentement. Parce que comme on parlait encore de l'image de l'abus, mais c'est un petit peu ça, tu sais. On en vient à croire que finalement on n'a pas de souveraineté ancestrale, puis c'est des choses qui n'existent pas vraiment. Alors, tout ce que le gouvernement va nous donner, ben ça va nous paraître comme un plus, quelque chose qui nous apporte, quand au fond, tranquillement, on tous les derniers clous de notre cercueil, là, comme peuple, et puis on en arrive à imposer un système d'usurpation, puis de monnayage de la terre, ou de projets de développement industriel, ou pétrolier, ou minier, ou d'exploitation de la terre. Là. Alors, c'est pour ça que la conscience historique des premiers peuples a tout le temps été la menace numéro un à la stabilité du Canada, à la certitude des investissements, à la certitude des industries. Et la résistance, qui est liée justement avec cette conscience historique-là, a été l'ennemi numéro un. Et le système s'est érigé pour tuer toujours dans l'œuf cette résistance-là. Dans ce sens-là, la mémoire culturelle et les aspects psychologiques du colonialisme, c'est le genre de barbelés psychologiques qui font en sorte qu'on en vient à croire qu'on n'a plus d'histoire, on en vient à croire qu'on n'a plus de souveraineté ancestrale ou qu'on est nous-mêmes, on n'est pas vraiment des peuples ou on n'a pas vraiment de dignité. Ben, c'est vraiment dans l'intérêt de l'État colonial et des industries et des grandes corporations. Ça nous affaiblit collectivement. Notre capacité de résistance, notre capacité aussi de continuer cette vision du monde-là et de la transmettre. Et on peut croire que le système fonctionne très bien parce qu'il est toujours en place et qu'il a produit des effets, hein, qui font en sorte que le Canada continue à se développer, les projets vont de l'avant, mais il y a toujours des formes de résistance qui reviennent, évidemment, qui continuent. Puis c'est ça qui est une grande centrale. Et ça va continuer à grandir et une grande partie de la société civile se range derrière ces mouvements autochtones qui portent une conscience et une vision de la Terre puis de l'être humain. Et puis c'est là qu'on est à un tournant. Et puis pour moi, il n'y a plus de question par rapport à ce que c'est conciliable et c'est pas conciliable parce que à un moment donné, on fait notre choix et puis on sait dans quelle direction on va. Mais avant de conclure, j'aimerais lire un passage du livre que j'aime particulièrement beaucoup, qui lit comme ça. « The study of stories suggests that the group memories of the Salmon War are a load gun waiting for the right movement to revolt against the forces aiming at genocide and collective annihilation, and working internally to marginalize new views and interpretation. In this sense, narrating the past has direct implication for the present. » Ça, c'est vraiment quand même nice. Ben, ça illustre toute la normativité de la mémoire, justement, et comment l'oubli est une grande illusion coloniale. Cette idée-là qu'on va oublier, tout ça, parce que comme l'eau se rappelle, comme la terre se rappelle, nous aussi, comme êtres humains, dans le fond, on peut pas se défaire des circonstances qui ont créé ce qu'on est devenu aussi. Et ça nous rappelle le vivant et la résistance. En creusant un petit peu, on se rappelle qui on est, puis on se rappelle nos obligations, puis nos luttes, et on peut les actualiser. Ça nous rappelle la résistance et au vivant. Absolument. Et pour finir, on va écouter une chanson pour laisser la place aux camarades qui font l'émission ensuite. Et nous allons écouter une chanson chantée par Petapan et Annie Hervieux qui s'intitule Inou. Est-ce que tu peux nous dire un mot très rapide sur cette chanson? C'est une chanson qui me touche, une chanson qui chante les saisons Inou, toute la vie Inou, qui honore, qui nous fait vibrer un peu à la grandeur de ce qui est être Inou et puis de tout ce que porte notre conscience. Et puis c'est une chanson qui me touche. Je trouve qu'elle est bien interprétée. Demi-chkumiten, Pierre-Auras Tremblay, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Chinushkumiten.